Dans mon lit. Dans mon lit, tralali, le poème d'Ondondaine va surgir, tradéri. Le voilà, tralala, entre les draps, laliala. Dans mon lit, tralali, le poème d'Ondondaine a surgi, tradéri. Hier matin, coin, coin, coin, sautillant, tant, tant, tant. Dans mon lit, tralali, le poème d'Ondondaine me sourit, tatati. Comme si, trilili, je l'avais, dédédé, embrassé. Lili Bégonia.